Chapitre 4. Resté seul avec la signora, le maestro se recueille d'abord comme un homme arrivé au point culminant de sa destinée. Ensuite, il s'assura minutieusement que toutes les portes étaient closes. Il tira le violon merveilleux de sa boîte, fit sauter la sourdine et préluda par quelques accords. Le calme profond et les saintes terreurs du sanctuaire régnaient dans le salon de la Donna Monti. On eût dit que les draperies de soie n'osaient frémir et que les murs eux-mêmes étaient attentifs. La signora pâle, immobile, penchée sur son fauteuil, attendait en silence, et Paganini reconnaissait au battement de sa poitrine la muse qu'il avait inspirée pendant 6 ans. Embarrassée enfin de l'étrange regard qui ne la quittait plus, la dilettante s'excusa en rougissant d'absorber l'objet de tant d'admiration. Le maestro sourit et passa une main sur ses yeux. « Voici le moment, » pensa-t-il. Il répondit avec solennité. « Ce qui arrive ici n'a rien de nouveau, madame. Depuis 7 ans, ce violon résonne pour une seule femme au milieu des populations qui l'écoutent. »« Pour une seule femme ?» dit la signora. « Et qui donc a un tel privilège ?»« C'est la donna Gioconda Monti, » repartit le virtuose, laissant déborder le secret qui lui remplissait le cœur. Alors il expliqua, la dilettante émerveillée, le phénomène dont il a été parlé plus haut. Puis au moment où celle-ci entrevoyait avec un trouble croissant à la clé de ce mystère, lorsque le maestro sentit l'aveu de son amour tout près d'effleurer ses lèvres tremblantes, il poussa l'archet sur les cordes mélodieuses et laissa son instrument parler pour lui-même. Jamais le langage de la passion ne fut plus expressif, plus éloquent et plus sublime. Jamais Paganini n'avait fait entendre à la terre un pareil écho des harmonies du ciel. Cette fois, le magique instrument oublia les terribles notes qu'il semblait emprunter à l'enfer. Dans les sons qu'il rendit, tout fut d'une douceur et d'une pureté séraphique. Il exprima successivement les naïvetés du premier amour, les supplications de la douleur, les emportements de la passion, les angoisses du désespoir, les égarements du délire et les combats de l'agonie. Cette admirable voix, qu'elle comprenait si bien, raconta mieux que tout autre à la Gioconda la vie entière de Niccolo Paganini, le prodigieux effet qu'elle avait produit sur cet homme, les aspirations inconnues qu'il lui empruntait, la puissance magnétique de ses applaudissements, l'amour idéal qu'elle avait allumé dans son âme, ses luttes contre la souffrance et la mort, ses regrets jaloux quand elle avait disparu, ses courses haletantes pour la retrouver, son immense bonheur de la revoir, sa résurrection qui dépendait d'elle seule, l'ardent aveu qui cherchait le chemin de son cœur et l'humble prière qui expirait à ses pieds. À ce moment, le violon tomba des mains de l'artiste et lui-même se trouva suppliant aux genoux de la Donna Monti. Des larmes brûlantes couvraient ses joues décharnées. Sa figure exprimait une terreur et une espérance indicibles. Il frissonnait comme un homme qui attend sa sentence de vie ou de mort. Toute palpitante elle-même, des émotions d'une telle musique et des révélations d'un tel amour, la Gioconda considérait le virtuose avec une sorte d'épouvante. Et le dénouement de cette scène eût été difficile à prévoir si le plus chétif incident ne fût venu y couper court. Un léger bruit se fit entendre derrière une porte du salon, et la transformation qui s'opéra chez Paganini serait impossible à décrire. Il tressaillit des pieds à la tête, se leva, comme poussé par un ressort convulsif, et regarda tour à tour la porte et la signora. Le virtuose et l'amoureux étaient disparus, pour faire place à l'avare qui surprend un voleur. « Quelqu'un m'écoutait, madame ?» s'écria-t-il d'un air hagard et menaçant. Et courant à la porte, il l'ouvrit avec une sorte de fureur. Il ne vit qu'un grand cabinet tendu de mousseline verte et dont les pâles rayons de la lune éclairaient la solitude. Sa silhouette se dessinait si effrayante au milieu de cette lueur inattendue que la Gioconda ne put s'empêcher de détourner les yeux. Paganini rentra lentement dans le salon. Il se confondit en excuses auprès de la signora, mais il vit qu'il avait rompu son propre prestige, et il s'éloigna en balbutiant « À demain, madame !»« À demain, signor !» répéta la jeune femme, à peine remise de son trouble. et remarquant que le maestro se soutenait à peine, elle sonna quelqu'un pour lui donner le bras. « Diavolo ! » s'écria le comte en sortant du cabinet où il était caché. « Quel concert et quelle déclaration !»« Ne riez pas, mio caro, car j'en tremble encore !» répondit la Gioconda, qui se laissa baiser sur les cheveux. Ils s'assirent l'un près de l'autre sur une causeuse, et le seigneur raconta ceux qui avaient précédé cette scène. « Comment ? Vous pouviez me prévenir et vous ne l'avez pas fait ?» dit la noble dame avec une moue charmante. « Devais-je vous priver d'une telle surprise et moi d'une telle revanche ? Car enfin, mon rival m'a mis à la porte. » La Gioconda ne put s'empêcher de rire, et le comte reprit, un homme piqué au jeu. « Mais per Bacco, maître Paganini n'en sera pas quitte à si bon marché. Qu'il aille encore sur mes brisées pendant quelques jours, et tout Bassano l'entendra comme je l'ai entendu ce soir. » « Tout Bassano, ce serait affreux !» s'écria la jeune femme touchée de compassion. « Comment vous y prendrez-vous » ajouta-t-elle avec la plus vive curiosité. « C'est mon secret, madame, et vous n'êtes pas assez méchante pour devenir ma complice. Laissez-moi faire et vous verrez. Je retourne près de mon adversaire, car il ne faut pas qu'il meure de jalousie. » « Pauvre maestro !» soupira la Gioconda, tandis que le comte Alberto se retirait en murmurant. « Ah, monsieur Niccolo Paganini, vous voulez vous mesurer aux grandes dames et aux grands seigneurs.